بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. L'auteur Al-Bukhari qui nous cite la chaîne de transmission jusqu'à Aïcha radhiyallahu anha qui dit: صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا تَرَخَّصَ فِيهِ وَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن شيء أو عن الشيء أصنعه فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. Et donc selon Aïcha radhiyallahu anha qui nous dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a fait quelque chose dont il s'est permis de le faire. Il s'est permis de faire quelque chose. Et certains se sont privés de faire cela. Donc le prophète, pour lui, c'est bon, mais les autres, ils se sont privés de faire cela. Ils voyaient que ce n'était pas correct pour eux de le faire. Alors lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a entendu cela, il a loué Allah et a fait ses éloges, puis a dit: que dire de certaines personnes qui se privent de faire quelque chose que je fais? Certes, par Allah, je suis celui d'entre eux qui connaît le mieux Allah et qui est celui qui a le plus de crainte envers lui. Et donc, il apparaît clairement dans ce hadith que si tu veux chercher à te rapprocher d'Allah, eh bien, tu dois le faire tout simplement par la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne vas pas te dire: « Ah, le prophète, allez, il ne faisait que tant de prières par jour, ben moi, je vais faire plus. » Je vais faire plus. Pourquoi? Parce que je veux, moi, je ne suis pas le prophète. Mes péchés n'ont pas été pardonnés, moi. Et donc, je vais faire plus que lui. Sache que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est celui qui a le plus de crainte envers Allah et il est celui qui connaît le mieux Allah. Et donc, il est celui qui connaît le mieux le moyen d'obtenir la satisfaction d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Alors, suis le prophète. Suis le prophète. Et ici, on ne sait pas exactement quelle est la cause ou quelle est cette chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait et que ces gens-là ont délaissé. Mais il y a un autre hadith. Il y a un autre hadith qui a aussi été cité dans Sahihayn, qui cite donc qu'il y a deux hommes ou des hommes qui sont venus voir l'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour demander concernant les agissements du prophète, qu'est-ce qu'il faisait. Alors lorsqu'elle leur a dit que annahum taqaluh, c'est comme s'ils ont jugé que c'était peu, c'était pas suffisant. Alors ils ont dit lasna kannabi sallallahu alayhi wa sallam, nous ne sommes pas comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa qad ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Nous ne sommes pas comme lui, certes Allah, lui, il lui a pardonné ses péchés passés et futurs. Mais nous, on n'est pas comme lui. Alors l'un d'entre eux, il a dit, « Wa inni la akumu layla abadan. » Il a dit, « Moi, je prierai toutes les nuits. » Ensuite, il a dit, « Voilà, il y en a un, il a dit, « Je ne me marierai pas. » Et l'autre, l'autre, il a dit, je vais jeûner tous les jours. Et asouman nadahar, je vais jeûner tous les jours. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a entendu cela, il a dit la même parole, c'est-à-dire, inni akhshakum lillah, je suis celui d'entre vous qui craint le plus Allah. Wa a'alamukum bima yuttaqa, et je suis celui qui connaît le plus ce que nous devons délaisser. Faman rariba an sunnati falaysa minni. Celui qui délaisse ma sunna ne fait pas partie des miens. Et donc il est important de comprendre que dans la fermeté sur la sunna, comme on lit le livre, le chapitre de la fermeté sur la sunna, il y a le fait de se suffire des textes du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le hadith d'après, selon Ibn Abi Mulayka, qui dit « Kana al-khayran أو كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر. Et donc Ibn Abi Mulaika, qui n'est pas un compagnon, il va nous citer un hadith. Mais ce hadith, il l'a pris de Abdullah ibn Zubayr. Abdullah ibn Zubayr, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il a dit, les deux meilleurs, Abu Bakr et Omar, ont failli périr. Kada an yahlika, ils ont failli périr. Lamma qadima ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wafd bani Tamim, ashara ahaduhuma bil-Aqra ibn Habis at-Tamimi al-Handali, akhi bani Mujashi'a. Et donc lorsque un convoi ou certains de Benu Tamim, ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors un d'entre eux, Abu Bakr ou Omar, il a montré un homme. Ce qui est voulu par là, c'est que le prophète, il l'a yastachir, il demande à ses compagnons. Et donc il n'y a pas de mal à ce que l'imam ou le responsable ou autre, il demande aux gens autour de lui, que pensez-vous de telle et telle chose? Le prophète lui-même, il a demandé donc à ses compagnons, il demande à Abu Bakr et Omar, attends plus tard, il les demande tous les deux, que pensez-vous, qui choisir comme responsable pour Benu Tamim? Qui choisir? Alors un des deux, Abu Bakr ou Omar, il a choisi Al-Aqra ibn Habis al-Tamimi al-Handali. Donc, un des deux, il a choisi donc cet homme. Et l'autre, il a choisi un autre. Ils n'ont pas choisi le même. Fekale Abu Bakrin li Omar, innama aradta khilafi. Fekale Omar, ma aradtu khilafek. Fartafa'at aswatuhuma inda an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alors Abu Bakr, il a dit à Omar, « Ah, certes, la seule chose que tu voulais, c'est faire le contraire de ce que moi je voulais. Faire une autre chose que ce que moi je voulais. » Omar, il lui a dit, « Moi, je ne voulais pas faire une autre chose que ce que toi tu voulais. » Et leurs voix se sont élevées auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Une dispute. Alors, à ce moment-là, Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre sa parole, Ya ayyuha alladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Oh vous qui avez cru, n'élevez pas la voix au-dessus de celle du prophète. Wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Et ne lui parlez pas à haute voix, de la même manière que vous parlez entre vous à haute voix. Sans quoi, vos œuvres vont donc disparaître sans que vous ne le sentiez. Inna alladhina yarudduna aswatahum 'inda rasulillah ulaika imtahanallahu qulubahum littaqwa. Certes, ceux qui baissent la voix auprès du messager d'Allah, alors ceux-là, ce sont ceux dont Allah a rempli leur cœur par la taqwa, la crainte d'Allah Azza wa Jalla. Lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Ces gens-là auront un pardon de leurs péchés et ils auront une grande récompense. Ici, Ibn Abi Mulaika, qui nous raconte cette histoire, il nous dit qu'Ala Ibn Zubayr. Et donc Ibn Zubayr qui a raconté cela à Ibn Abi Mulaika, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Abdullah ibn Zubayr. Qu'est-ce qu'il a dit Abdullah ibn Zubayr après ce hadith? Il a dit Kana Umar ba'du لم يذكر ذلك عن أبيه أو كان عمر بعد ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني عن أبي بكر. Et donc Abdullah ibn Zubayr, c'était le fils de Hafsa, la fille de Abi Bakr. Abdullah ibn Zubayr, c'était le neveu de Aïcha, la fille de Abu Bakr. Et donc Abdullah ibn Zubayr, il a parlé concernant Omar, mais il n'a pas dit la même chose concernant son père. Ce qui est voulu ici, c'est concernant Abu Bakr. Abu Bakr, qui est son grand-père. Mais il a dit ici le mot, il n'a pas dit la même chose concernant son père. Qu'est-ce qu'il a dit, Abdullah? Il a dit, concernant Omar, « Iza haddatha al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam bi hadithin, haddathahu ke akhissirar. lam yusmi'hu hatta yastafhimahu. Depuis ce jour-là, Omar, dès qu'il s'adressait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui parlait comme la personne qui a un secret à lui dire. Et il ne lui disait pas tant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demande: mais qu'est-ce que tu veux dire? À ce moment-là, il parlait un peu plus fort. Depuis ce jour-là, il a entendu la parole d'Allah, il a appliqué direct. C'est comme ça qu'ils étaient. Et c'est comme ça que nous devons être. Nous devons faire attention à respecter les textes. Et c'est ainsi la sunna. La fermeté sur la sunna, le fait de respecter les textes et de les appliquer, de nous y soumettre. Et ça, c'est très important, barakallahu fikoum. Ensuite, le dernier hadith qu'on verra aujourd'hui, inshallah ta'ala, toujours un hadith dans Sahihayn. Il nous cite la chaîne de transmission jusqu'à Aïcha radiallahu anha, Ummul Mu'minin. Et donc la mère des croyants. Qui dit: Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala fi maradihi, Muru Aba Bakrin fal yusalli bin nas. Et donc Aïcha dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était malade, il a dit à Aïcha, il a dit du moins: dites à Abu Bakr de prier, de diriger la prière avec les gens. Dites à Abu Bakr de diriger la prière. Aïcha nous raconte, elle nous dit: Kultu inna Aba Bakrin idha qama fi maqamik lam yusmi'in nasa min al-bukaa. Elle dit: certes Abu Bakr, lorsqu'il prie à ta place, alors les gens, ils n'arrivent pas à se faire entendre tellement ils pleurent. Abu Bakr, lorsqu'il récite le Coran, il pleure, il n'arrive pas à se faire entendre. Hein? Aujourd'hui, parfois, certaines personnes vont se plaindre. Hein? Une personne qui a de la science, une personne qui est avancée par rapport à nous dans la pratique, dans ses connaissances religieuses, eh bien, sous prétexte qu'il ne se fait pas entendre durant la prière, certains vont dire: ah, il ne faut pas le laisser prier. Il faut mettre quelqu'un d'autre qui a une plus grande voix. Tout ça, c'est de l'ignorance, on ne connaît pas les textes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a choisi Abu Bakr, alors qu'il sait qu'Abu Bakr, il n'arrive pas à se faire entendre. Aïcha, elle a cité cela. Mais dans une autre narration, Aïcha, elle nous dit que ce n'est pas pour ça qu'elle voulait ça. Aïcha, pourquoi elle voulait ça réellement? C'est parce qu'elle sait très bien que si une personne passe après le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les gens, ils auront quelque chose dans leur cœur, ils auront quelque chose en eux. Parce qu'ils sont habitués que c'est le messager d'Allah qui récite. Et là, c'est quelqu'un d'autre qui vient. C'est pas pareil. Et donc, elle ne voulait pas que ça arrive à son père. Alors, elle a préféré dire que faites venir Omar. Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu à Aïcha, il lui a dit: Mouru Aba Bakrin fal yusalli bin nas. Dites à Abu Bakr qu'il prie avec les gens. Aïcha a répété la même argumentation une deuxième fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné la même réponse une deuxième fois. Qu'est-ce qu'elle a fait, Aïcha? Elle est allée voir Hafsa. Elle lui a dit au prophète que inna Aba Bakrin idha qama maqamak la yusmi'in nas min al-bukaa. Dis au prophète que lorsque Abu Bakr prie à ta place, il n'arrive pas à se faire entendre à cause du fait qu'il pleure. Alors mets Omar à sa place. Hafsa, elle est allée voir le prophète et elle lui a dit. Et la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: Inna kunna la antunna sawahibu Yusuf. Il a dit: Vous êtes celle qui était avec Yusuf, le prophète. Ce qui est voulu ici, vous êtes comme celle qui était avec Youssouf. Mouru Aba Bakrin fal yusalli bin nas. Dites à Aba Bakr qu'il prie avec les gens. Alors Hafsa, lorsqu'elle a vu que le prophète s'est énervé sur elle, hein, et qu'elle a entendu cette parole, elle est allée voir Aïcha et elle lui a dit: Mais kuntu li usiba min ki khayran. Elle lui a dit: Je ne pouvais pas prendre de bien de toi. J'aurais dû savoir cela. Que tu ne serais pas venu à moi avec un bien. Et donc ici, qu'est-ce qui est voulu par là? vous êtes comme celle qui était avec Youssouf. Le prophète Youssouf alayhi salam, Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné une grande beauté. Et la femme de Al-Aziz, elle a été éprouvée par cela. Elle a essayé de pousser Youssouf à la fornication. Youssouf a fermement résisté. Allah tabaraka wa ta'ala l'a préservé. Alors les gens ont commencé à parler sur cette femme. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a réuni des femmes. Elle a réuni des femmes chez elle. Elle leur a donné à manger. Elle leur a donné sikinan. Elle leur a donné un couteau pour couper de la viande. Et lorsqu'elle a vu que tout le monde était bien installé, elle a fait rentrer Youssouf. Lorsque Youssouf est rentré et qu'elles ont vu Youssouf, ce n'est pas un homme. Elles ont été choquées de la beauté de Youssouf. Et elles se sont coupées les mains. Les savants du tafsir, ils nous disent tellement elles étaient concentrées sur la beauté de Youssouf, elles ne réalisaient pas que ce n'était pas la viande qu'elles coupaient, mais que c'était leurs mains. D'autres savants disent que c'était une petite blessure. D'autres disent non, c'était une grosse blessure. Certains ont même dit que certaines sont mortes quelques temps après à cause de cette blessure. Il y a beaucoup d'avis. Mais elles se sont coupées les mains. Ça, c'est clair et net, c'est un verset du Coran. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après cela? Et donc, ici, certains savants, ils nous disent, et donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ici, dans ce hadith, il va blâmer Aïcha ainsi que Hafsa. Pourquoi? Parce qu'elles ont toutes les deux insisté pour faire quelque chose que le prophète ne voulait pas. De la même façon que les femmes qui étaient à l'époque de Youssouf, elles ont insisté pour faire quelque chose que Youssouf ne voulait pas. Mais ici, certains savants disent, non, mais quand on médite sur l'histoire de Youssouf, et quand on médite sur l'histoire de Aïcha et Hafsa, dans l'histoire de Youssouf, il n'y a qu'une seule femme qui a rusé. C'est une qui a invité toutes les autres, et qui ensuite a rusé pour faire tomber Youssouf dans la fornication. De la même façon que Aïcha, c'est elle qui a essayé deux fois, et quand elle a vu que ça ne passait pas, eh bien elle est passée par Hafsa. Et donc, ce qui est voulu par là, c'est le blâme à Aïcha. Et d'autres savants, ils disent non, parce qu'on a dans l'histoire avec Youssouf, cette femme-là, qui est toute seule et qui a rusé au début toute seule, elle dit « Lekod rawettuhu an nefsihi festarsom ». Certes, je l'ai poussé à la transgression, je l'ai poussé, j'ai essayé de le séduire, mais il a résisté fermement. Voilà, il l'a mieux fait, mais amourou le yusjanan. Et s'il ne fait pas ce que je lui ordonne, et donc, et il sera emprisonné, et donc s'il ne fait pas donc ce que je lui ordonne, il sera emprisonné, et il fera partie de ceux qui sont humiliés. Et donc ici, on voit que c'est une seule personne qui a rusé. Mais parfois, une personne peut faire un acte. Les autres assistent à cet acte et ne défendent pas la vérité, parce qu'ici, elle a menacé Youssouf. Si tu ne fais pas ça, là, tu vas en prison. Est-ce que les autres ont défendu Youssouf? Quelle est la réponse de Youssouf? Youssouf, il dit, alayhi salam, « Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'ounani ilayhi. » Ô Seigneur, la prison m'est préférable que ce à quoi elle, au pluriel, m'appelle. Et donc, elles sont plusieurs. Elles, au pluriel. Et donc, ici, Aïcha et Hafsa, elles étaient deux pour pousser le prophète. Ainsi, elles ont insisté pour que le prophète fasse ce qu'il ne voulait pas faire. Et le prophète, il s'est fâché. Et donc ici, on comprend un point important dans la sunna, c'est qu'il faut nous suffire des recommandations du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il nous dit ça, nastaslim, on se soumet. On se soumet, et on ne cherche pas à passer à droite ou à gauche. Et c'est pour cela que Allah, tabaraka wa ta'ala, dans son livre, il dit, « Mais kana li mu'minin wa la mu'minatin, idha qada Allahu wa rasuluhu amran » Il n'appartient pas aux croyants ainsi qu'aux croyantes lorsqu'Allah et son messager, ils prennent un décret d'avoir le choix. On n'a pas le choix. Allah, il t'a dit de faire ça, tu fais. Allah, il t'a dit de faire comme ça, tu fais comme ça. Le prophète, il t'a dit de faire ça, tu le fais. Parce que tu es croyant, tu veux te soumettre. C'est quoi l'islam? L'islam, c'est la religion de soumission. Ça veut dire quoi, musulman? Souvent, il y en a qui marchent avec le t-shirt. Ana muslim, je suis musulman. Il y en a qui ont fait muslim, don't panic. Musulman, ne panique pas. Etc, etc. Ils nous ont fait plein de t-shirts avec muslim. Mais ça veut dire quoi, muslim? Ça veut dire que tu te soumets à Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est lui ton Seigneur. Tu te soumets à lui. C'est ça l'islam, la soumission. Et donc c'est ça la fermeté sur la sunna qu'il nous est obligatoire, qu'il est important de comprendre. On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Et la semaine prochaine, on va finir ce chapitre avec, ce sous-chapitre du moins, avec deux hadiths relativement longs, surtout le dernier, qui est très long. Allah Azza wa Jalla nous accorde la réussite, il est capable de toutes choses. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا.